lieux. Je suis aussi plateau. Tous les gens de là-bas se déplacent en Gbaka. Les Gbaka d'Abidjan arrangent bien des gens. En tout cas, moi, Daouda, je prends souvent les Gbaka. Il est vrai que les Gbaka font parfois des dégâts. Je ne dis pas le contraire, mais comment peut-on faire? S'il arrive qu'un jour on supprime les Gbaka, pour beaucoup d'entre nous, ce sera du Katanga. Tous les quartiers d'Abidjan ont leur ligne de Bajan. Mes amis, je vous le dis, il y en a même à Cocody. Peut-être bien qu'un jour, j'aurai une voiture. Pour le moment, en tout cas, je roule toujours en Gbaka. A jamais marché, à Bobo la guerre. Yopougon la bagarre. Allez, venez monter, monter, monter. A jamais marché, monter, monter. À Bobo la guerre. Monter, monter. Yopougon la bagarre. Aïkbere, aïkbere, monsieur, poussez un peu. Ok, ça y est, maintenant c'est bien sarzé. Ok, patron, maintenant on peut vous rouler. Monsieur devant, donnez l'argent. Et apprenti, je descends au banco. Monsieur derrière, donnez l'argent. Moi, je vais descendre devant les pharmaciens. Anango Mousso, Waribo Waribo, Lebe Jigilao, Ajame Lofiela. Ok, ça y est, maintenant on peut vous rouler. Ok, patron, maintenant on peut bomber. Rouler, rouler, Gbaka rouler. Rouler, rouler, Gbaka rouler. Rouler, rouler, Gbaka rouler. Jamais marché, allez venez monter, monter, monter, à Bobo la guerre, monter, monter, Yopougon la bagarre, aïkbere, aïkbere, monsieur, poussez un peu, ok ça y est, maintenant c'est bien sarzé, ok patron, maintenant on peut vous rouler, monsieur devant, donnez l'argent. Et apprenti, je descends au banco. Monsieur derrière, donnez l'argent. Moi je vois descendre devant les pharmacies. Anango Mousso, Waribo Waribo, Lebe Jigilao, Ayame Lofiela. Ok, ça y est, maintenant on peut rouler. Ok, patron, maintenant on peut bomber.